de chez nous. Y'a du ping-pong, des cendres, du sang dessus dessous. Sans jambe, sans bling, sans bande. Avec ce qu'on a dans le ventre, entre chez nous. On rentre sur scène comme des fous, rien à perdre. Les mêmes hier en nos mains là. On était au rendez-vous, allez on rentre dans l'entre de chez vous. Par cette première ligne d'encre, entre chez nous. Cet instant où l'homme ne peut plus distinguer le loup du chien. Faut que tu t'inquiètes, je t'entends grogner là, juste au bout du chemin. Moi la rime vient à cette heure-ci, je deviens bête micro. Ici le seul exorciste, c'est la bombe à technico. À l'heure où tout est sombre, ça se règle à coups de tesson. Laisse frapper la caisse claire pour le caisson, écouter le son. Plutôt que le sang, je fais couler l'encre pour un zèle. Viens ma connaissance, monstrueux que l'inceste. La coller au lampadaire quand le soleil se couche. Ces enfants qui n'ont pas d'or, pas sommeil, le secours. Ça c'est notre calme avec divers esquives. Regarde, tellement puissante que même ton dealer l'esquive. À l'heure où tu rentres du bureau, parce que vous croisez messieurs dans la journée les plus drôles. Big crime avec étoiles, vu qu'avec tes doigts. Tant que j'écris la nuit n'a pas fini de se mettre des doigts. Allez, entre dans l'entre de chez nous. Y'a du ping-pong, des cendres, du sang dessus dessous. Sans jambes, sans bling, sans bande. Avec ce qu'on a dans le ventre, entre chez nous. On rentre sur scène comme des fous, rien à perdre. Les mêmes en nos mains là. On était au rendez-vous, allez, on rentre dans l'entre de chez vous. Par ces premières lignes d'encre. J'attends le crépuscule pour danser avec les ombres, converser avec les notes et puis battre les mesures. J'attends que le monde s'endorme pour confesser mes fautes, pour être en intimité avec mes doutes et mes scrupules. J'ai pris une plume, puis j'ai attendu le clair de lune pour écrire, car le marchand sable passe pas percer mes potes. J'suis comme un chien le jour, comme un loup la nuit, mais trop souvent entre les deux et parfois j'inverse les rôles. Je stagne entre le sommeil et l'insomnie, entre doutes et certitudes, faiblesse et nerfs solides. Mais sans souffrir, sont à l'affût lorsque la nuit tombe et je deviens ce qu'on se régit par l'instinct et la mélancolie. Pris dans un élan de folie, je m'enferme dans mon utopie. Errant parmi les âmes sombres, je deviens obscur que la nuit se profite. Pas besoin de faire un croquis, je suis un animal nocturne qui tient sa proie, attend dans le moment propice. Allez, entre dans l'entre de chez nous. Y'a du ping-pong, des cendres, du sang dessus dessous. Sans jambes, sans bling, sans bande. Avec ce qu'on a dans le ventre, entre chez nous. On rentre sur scène comme des fous, rien à perdre. Les mêmes hier en nos mains là. On était au rendez-vous, allez, on rentre de chez vous, par ces premières lignes d'encre, entre chez nous. Place au regard froid, aux démarches de travers, et le trottoir aux filles de joie qui bronzent sous les réverbères. La vie se révèle quand toi tu restes sous tes draps. Quand la ville se part de lumière blanche, je fais les 100 pas et je tease pour tromper mon ennui, lui faire un enfant dans le dos. Avec les délices de la vie, tout est plus grand, plus vicieux, plus beau, plus fort. Et certains y trouvent même du réconfort. Ma vision s'élargit quand tes paupières se font lourdes. Toujours sur la brèche pendant que ton flot s'embourbe. SKIP, Nictalope, l'équipe C, Polychrome 7 et le clan pour les couches carrées, pour les salopes. J'ai pas vu pire que l'homme la nuit, quand l'ombre étouffe les coups et les cris. Du coup j'écris jusqu'à pas d'heure, avant la vie mes nuits sont de quelle couleur. Allez, entre dans l'entre de chez nous. Y'a du ping-pong, des cendres, du sang dessus dessous. Sans jambes, sans bling, sans bande. Avec ce qu'on a dans le ventre, entre chez nous. On rentre sur scène comme des fous, rien à perdre. Les mêmes hier en nos mains là. On était au rendez-vous, allez on rentre dans l'entre de chez vous. Par ces premières lignes d'encre, entre chez nous. Allez, entre dans l'entre de chez nous. Y'a du ping-pong, des cendres, du sang dessus dessous. Sans jambes, sans bling, sans bande. Avec ce qu'on a dans le ventre, entre chez nous. On rentre sur scène comme des fous, rien à perdre. Les mêmes hier en nos mains là. On était au rendez-vous, allez on rentre dans l'entre de chez vous. Par ces premières lignes d'encre, entre chez nous.